Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile de l'Obscur sur l'antenne du 94 MHz ce lundi en direct à partir de 21h30 et des poussières, également à partir de son blog en podcast asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. On a connu dès lundi un tantinet plus glorieux, donc on va essayer de se réveiller avec un tout nouveau quartet dans lequel officie Mark Cunningham, l'ex-bassiste du groupe No Wave new-yorkais de la fin des années 70, Mars, qui fut membre aussi du Bel Canto Orchestra ou encore de Raeo. On avait d'ailleurs vu Raeo il y a une bonne douzaine d'années en arrière, c'était au Jardin Moderne, ce qui ne nous rajeunit pas. Et Mark Cunningham continue de collaborer de temps à autre, il ne sort pas des choses très très régulièrement, cet homme-là. Il continue de collaborer en tout cas avec des musiciens européens. Il aime beaucoup l'Espagne, à l'image de ce nouveau projet, le Blood Quartet, dans lequel on le retrouve aux côtés de musiciens de Barcelone qui font partie d'un groupe d'ailleurs totalement méconnu qui s'appelle Murno B. Et ensemble, ils viennent de sortir cet automne leur tout premier disque sous le nom de Blood Quartet. Ça s'intitule Deep Red, ce disque publié conjointement aux éditions Hang the DJ Records et Feeding Tube. Et on va attaquer avec non pas le titre qui démarre cet album, qui est vraiment très bon de bout en bout, mais le deuxième, String Theory, donc Mark Cunningham, le Miles Davis du free rock dans l'Asile le plus sûr et dans ce Blood Quartet. We'll be right back. oui, il y a des lundis assez cotonneux où on préférerait écouter de la trompette plutôt que d'aller bosser. Et on entendait tout d'abord celle de Mark Cunningham au sein du Blood Quartet et ce disque Deep Red qui est sorti il y a quelques semaines, qui est vraiment très très bon. Donc trompette processée comme toujours pour le membre éminent des groupes Mars ou autres, Don King, qui collabore aussi de temps à autre aux côtés de Pascal Comelade, et là qui s'est adjoint les services de musiciens barcelonais pour un très beau projet et un disque très réussi qui était enchaîné avec tout autre chose et un disque on pourrait dire même un super groupe norvégiano-belge. Il s'intitule Warped Dreamer et il réunit en son sein différents musiciens qu'on a rencontrés dans pas mal d'autres projets, notamment les Belges Joseph Dumoulin qui faisait l'électronique et les claviers un petit peu schizophréniques, et ainsi que son camarade de jeu, le batteur Ton Verbruggen, qu'on a pratiqué notamment pour son excellent projet The Bureau of Atomic Tourism, et qui s'occupe du label Rat Records, qui sort ce disque, donc Wrapped Dreamer, et ce premier LP sous le nom de Loma Ongva. C'est sorti en double vinyle et en CD aussi d'ailleurs. Il y a une édition sur un autre label qui s'appelle Off. Voilà donc Rat Records et Off, et ces Belges sont rejoints par des musiciens de la scène norvégienne qu'on a aussi rencontré dans d'autres projets, notamment Stian Westerhus qui joue dans pas mal de choses, notamment Puma, Jaga Jazzist, etc., etc. Donc beaucoup de disques, notamment aux éditions Rune Gramophone. Et l'autre membre éminent de la scène norvégienne qui est sur ce Wrapped Dream, c'est Arve Henriksen, le bien nommé, donc qui faisait la trompinette sur la fin du morceau qu'on entendait, et qui lui a fait partie des premières incarnations notamment de Super Silent, de même d'ailleurs que son collègue Stian Westerhus qui joue régulièrement aux côtés de cette formation du jazz un peu kaléidoscopique à la norvégienne. Et donc un disque très réussi, quasiment toutes les plages sont vraiment très chouettes, avec différentes ambiances, des titres assez étirés. Celui-ci était peut-être le plus court de ce disque, donc au nom imprononçable, Loma Ongva, et sans doute peut-être un projet qui sera suivi d'autres disques. C'est pas évident vu le parcours des différents Lascars. On va continuer avec tout autre chose, quoique un autre projet qu'on a aussi rencontré ces dernières années dans les îles plus sûres. Il s'agit de Data Shock, le groupe néo-hippie post cosmiche, tout ce que vous voudrez, allemand, qui existe depuis une bonne dizaine d'années, qui est une sorte de version moderne de Amondul, version année 2000-2010. Voilà pour Data Shock, qui est la réunion d'un collectif. Il y a pas mal de musiciens qui gravitent en son sein. Alors, ils étaient plutôt coutumiers de disques très très longs. On se souvient de leur dernier double LP qui était sorti aux éditions de monsieur Mark Richter de Black to Come, le label Décordeur de Hambourg. Et cette fois-ci donc ils ont fait une infidélité à Décordeur avec un nouvel opus qui sort sur Gang of Ducks. Il s'appelle HD Trailer, et là c'est un disque un tantité plus court, même s'il y a deux très très longues pièces, ce qui n'est pas très étonnant vu la musique qu'il pratique, et deux autres un peu plus courtes. Je vous propose d'écouter le titre Wappen versus Chemtrails par Data Shock. Thank you. l'instant dans les îles le plus sûr, une séquence avec des musiciens du pays d'Olderlin. Tout d'abord, on entendait les Data Shock, le groupe néo-hippie qui signait son 10e ou 12e album selon si on compte les cassettes et les éditions limitées pour cette formation. Je ne sais même pas d'où ils sont originaires, où est-ce qu'ils sont basés réellement, ces Allemands de Data Shock. En tout cas, le disque est aussi bon que sa pochette est hideuse. Il s'intitule HD Trailer et il regroupe donc quatre pièces un peu dans le registre de ce que vous avez pu entendre, donc une sorte de musique un peu néo-kraut avec pas mal de recherches sonores quand même. C'est plutôt un collectif assez original et une musique vraiment très agréable à écouter, celle de Data Shock, qui a été enchaînée avec la rencontre entre le percussionniste marimbiste Sven Kasirek, qu'on avait laissé l'an dernier avec pas mal de disques qui étaient sortis, sur 2 à 3 disques par an quasiment, monsieur Kasirek, et notamment on avait écouté en fin d'année dernière ses chansons d'Okinawa sur Pingy Pung Records, lui qui a sorti pas mal de choses, notamment des mélanges un peu entre musique africaine ou musique orientale, mélangée avec cette texture percussive nouvelle. Et on avait pu l'entendre aussi l'an dernier, non, c'était il y a 2 ans, aux côtés de Stefan Schneider, de Kreidler et tout Rococo Roth. Il remet le couvert pour le label de Hambourg Burobé dans sa nouvelle subdivision Select Series, avec ce 4 titres Rhythmus, dans lequel on le retrouve aux côtés du batteur, l'autre membre de Kreidler, je ne sais pas du tout si ça se prononce Kreidler d'ailleurs, Thomas Klein, qui fait cavalier seul aussi. Il a sorti 3 albums solo sur Burobé depuis le début des années 2010 sur son propre alias soliste, voilà donc pour Thomas Klein ou Klein et Sven Kasirek et ce Rhythmus numéro 1 à 4, donc 4 pièces qui ont un petit côté sautillant motorique comme celle qu'on entendait quasiment. Les 4 titres sont vraiment très réussis. Alors c'est très très produit au niveau du son, mais c'est plutôt assez agréable là encore. Et puis on va continuer avec un nouveau duo, et un duo qui permet de réécouter deux musiciens qu'on vous a proposé assez régulièrement ces derniers mois et années dans l'Asile le plus sûr, notamment Taji Dorji, le fameux guitariste du Bhoutan, qu'on vous passait pas plus tard que le mois dernier aux côtés du batteur Tyler Damon pour le disque Boss Will Escape, sorti chez Family Vineyard. Et Taji Dorji est très très occupé puisque vient de sortir également aux éditions MEI Music, le label britannique je crois, qui sort beaucoup de folk psychédélique un peu acide et un peu qui tend aussi vers l'expérimentation sonore. Et donc Taji Dorji rencontre cette fois-ci un autre guitariste, il s'agit de Chain Parrish, qui est le propre guitariste du duo, ce fut un trio, c'est désormais un duo, Ale Chatistas, je préfère le prononcer comme ça à la française tellement c'est un nom épouvantable pour un groupe. Et donc Chain Parrish et Taji Dorji se sont fondus d'un disque assez bien nommé, il s'appelle Expecting, dans lequel on les retrouve principalement dans un registre guitaristique entre Novo Folk et une musique un peu à la post-Derek Bailey. Et la raison de cette rencontre, c'est assez simple, hein, c'est qu'ils vivent ces deux-là dans le même bled aux États-Unis. en Caroline du Nord, à Asheville, très exactement. Donc c'est une très bonne raison pour jouer ensemble. Et je propose d'écouter le titre qui démarre ce très bon disque de Shane Parrish et Taji Dorji Expecting. Le morceau s'intitule Break Up. Thank you.

avais prévenu que ça allait être cotonneux ce soir, l'asile le plus sûr, Polymage de mon état. Et on a démarré avec deux disques qui nous permettaient de retrouver le guitariste de Alechatistas, Chain Parish, aux côtés tout d'abord de Taji Dorji, avec ce duo et ce disque Expecting, sorti sur MIE Music ou MIE Music. Très très bon disque d'improvisation folk dans le registre un peu musique des Appalaches, jouée et détricotée dans tous les sens. Et on a enchaîné avec une rencontre entre Chain Parish et Frank Rosali, le batteur percussionniste de Chicago, et un disque qui est sorti en cassette et téléchargement. C'est sorti en édition donc assez limitée sur Cabine Flore Esoterica, ce disque Labris, qui est vraiment très bon. On peut l'écouter d'ailleurs sur le Bandcamp de Chain Parish, chainparish.bandcamp.com. Et bah, le monsieur est assez occupé puisqu'il a sorti aussi un autre disque en solo il y a de ça quelques jours aux éditions de John Zorn, Tzadik Records, le disque Undertaker Please Drive Slow, qui est là un disque assez étonnant pour Chain Parish, qui nous avait plutôt habitué à des musiques un peu plus innovatrices à guitare ou un peu plus modernes on pourrait dire. Et là il est vraiment entièrement à la guitare nylon pour des reprises, un disque entièrement de reprises de classiques américains du folk qui ont été joué depuis les années 20-30 aux États-Unis, avec quantité, bah, toute une musique un peu de répertoire. Donc il est tout autant capable de jouer le folk des Appalaches que la tradition et des choses beaucoup plus avant-garde, ce Chain Parish. Et on a terminé avec cette fois-ci du folk du côté des fjords et de la Norvège, avec Gerd Sundstall, donc guitariste qui vient de signer son deuxième opus aux éditions Ubro Records sous le titre Langen Ro. Alors je crois qu'il fait tout seul, hein. Il doit jouer de la guitare et les percussions, beaucoup d'ambiance un peu vaporeuse, cotonneuse. On pense à une sorte de Rai-Coudeur du Nord à l'écoute de la musique de Gerd Sundstall. Donc rien de très très très nouveau sous le soleil, mais une musique qui s'écoute plutôt de manière assez détendue, voilà, pour ce disque Langen Ro de Gerd Sundstall. On va continuer avec un autre guitariste, cette fois-ci il est de Chicago et il s'appelle Red Caris. Alors c'est plutôt un guitariste improvisateur qui joue aussi des percussions, principalement de la guitare préparée et accompagné de percussions. Alors lui il sort des choses plutôt sur des labels assez microscopiques, à l'image de celui qui vient tout juste de paraître sur Étiquette Plus Timbre, qui est un net label dédié aux musiques innovantes et improvisées, qui existe depuis 5-6 ans et qui sort pas mal de choses assez intéressantes, à l'image donc de ce disque de guerre de Red Caris, pardon, sous le titre Lacrimis de Ex Arborum. Rien que ça, donc Red Caris qui a notamment sorti des disques aux éditions Panirosas Disco, par exemple. Donc on va écouter un extrait de cet album de ce musicien de Chicago avec le titre Speckled Alder par Red Caris. Thank you. Thank you. sea of electric eels, sea of unknown movements far below the surface, sea of primitive desires, sea of endless triangles, sea of ritualistic murder, sea of history, sea of greed, sea of guilt, sea of 8 million false faces, sea of lost hopes, sea of despair, sea of occasional reason, sea without time. un menu de fête dans l'Asie le plus sûr avec quatre plats enchaînés. Tout d'abord, on a entendu la musique du guitariste improvisateur, guitariste préparé et aussi percussionniste. Il était entièrement tout seul sur ce disque Lacrimis des Ex Arborum. Red Caris, c'est son nom. Il est originaire de Chicago. Il a aussi collaboré aux côtés de pas mal de musiciens d'ailleurs aux États-Unis, des jeunes scènes improvisées, notamment pour les étiquettes Pan Irosas et celui-ci qui sort aux éditions Plus Timbre, donc des micro-labels, des net-labels autour des musiques improvisées de tout poil. On a enchaîné avec la musique de Anthony Child, qui est un Britannique qu'on connaît surtout pour le projet électronique Sir John, qui existe depuis une bonne quinzaine d'années, avec lequel il a sorti pas mal de choses, notamment aux éditions Downwards ou encore NNA Tapes, Fat Cat, j'en passe, et pas mal d'autres. Et pour les éditions Imego, il se produit sous son vrai nom Anthony Child depuis deux disques pour des musiques assez incroyables qu'il joue sur synthétiseur modulaire analogique, le fameux Buchla Music Easel, un instrument qu'il a transporté dans la jungle hawaïenne pour des disques donc d'exotica, on pourrait dire de nouvelles exotica, dans un registre mi-modulaire, mi-musique un peu ambiante, environnementale. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il vient de signer et de sortir aux éditions Imego le volume 2 de cette série sous le titre Electronic Recordings from Maui Jungle volume 2, le bien nommé. Donc cette musique plutôt pas mal. Je crois que je préfère encore le volume 2 au premier opus. Et on a enchaîné avec la musique, là pour le coup, nettement plus noise, abrasive, du projet britannique Cindy Talk et le disque The Labyrinth of the Straight Line, sorti également aux éditions Imego. Alors là, c'est un tout autre genre de musique, une musique un poil aussi ambiante, un poil post-goth industriel, beaucoup plus noise, comme je vous le disais. Et bon, depuis quelques années, puisqu'ils ont commencé au début des années 80, c'est Gordon Sharp et David Clancy alias Cindy Talk. Ils sortent des disques à intervalles assez réguliers depuis les années 2000-2010, avec un disque à peu près tous les deux ans aux éditions Imego, et donc celui-ci, The Labyrinth of the Straight Line, qui déménage pas mal en fait, hein, musique qui nettoie les cages à miel. Et on a terminé avec un disque que j'adore, et là encore un volume 2, et il s'agissait bien sûr de Rachad Baker et ses Traditional Music of Notional Spaces, qui est sorti là pour le coup aux éditions Panact, voilà, donc comme le premier, sonorité là pour ceux qu'on entendait, qui me faisait pas mal penser d'ailleurs à certains sons de l'Apocalypse de Jean de Pierre-Henri, une musique qui met la tête dans un sac dans le registre électronique totalement frappadingue. Voilà, on va continuer avec là encore de la musique assez incroyable, et Peter Evans, trompettiste improvisateur qu'on connaît dans pas mal de projets de tout poil de jazz contemporain, soit straight, soit un peu plus novateur, et en solo aussi depuis quelques années. On avait pu aussi vous proposer une émission spéciale autour de la musique de ce trompettiste originaire du Queens à New York. Et donc il est de retour avec un nouveau solo sous son propre, sa propre marque More is More, un solo en téléchargement qui s'intitule Life Blood, qui est un disque donc solo trompette, mais trompette processée avec pas mal de recherches sonores, et ça a été enregistré entièrement en concert, notamment au club Yushu Project Room ou autre roulette intermédium. Et je propose d'écouter un titre assez bien nommé. Le morceau s'intitule How Demons Hunter. On écoute la musique de Peter Evans. Thank you. Une séquence de Fire Music dans les îles les plus sûres pour terminer et se réveiller, sortir de sa torpeur avec cette musique. Tout d'abord, Peter Evans en solo, trompette sous sa propre marque More is More et le disque Life Blood. Et on a enchaîné avec la Fire Music allemande Canal Historique de 1973. S'il vous plaît, et le quintet du contrebassiste, le regretté Peter Kowald, et ce disque éponyme qui était sorti à l'époque, bien évidemment, sur le label Free Music Production, qui vient tout juste d'être réédité par Cienfuegos, dans lequel on retrouvait pas mal de trombonistes, notamment Gunther Christmann, Paul Rutherford et autres, notamment à la batterie Paul Lovens, et le saxophoniste, c'était pas du tout Peter Brotzmann, c'était Peter Van de Lort. Voilà, donc un musicien pas du tout connu. Donc c'était un disque publié à l'époque, à l'été de 1973 par FMP. Et on a continué, on va continuer avec un dernier disque que nous a gentiment offert d'ailleurs notre camarade de Stone Circus, Stéphane, avec cette édition du label espagnol Gersen, qui a une nouvelle subdivision autour des musiques allemandes, soit kraut, soit jazz impro du début des années 70, l'étiquette Mental Experience. Alors c'est eux aussi qui avaient sorti le Red Square, qui était très très bon, et puis Cologne Curiosities, The Unknown Krautrock Underground 1972 à 1976. Et là il s'agit de AK Music, qui est un projet dans lequel on retrouve un musicien pas du tout connu, Hans Kumpf, au basson, en compagnie de pas mal de musiciens. Il avait joué aux côtés notamment de Perry Robinson. Voilà donc pour ce projet AK Music, qui est très très bien réédité par Mental Experience, cette subdivision de Gersen, et donc pas mal d'iconographie de titres donc de ce disque qui était sorti à l'époque en 1972. Juste pour vous donner aussi une petite info concert avant de se quitter, organisé par les camarades de Cafioul au Barrick à Rennes ce samedi 17 décembre, avec le retour de Peter Kernel et de Formica, tout ça pour 7 €. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine, à bientôt. Thank you. Thank you.